à mes paroles, Seigneur. Comprends le soupir de mon cœur. Écoute la voix de ma plainte, mon roi, mon Dieu, vers toi je crie. Le matin, tu entends ma voix. Dès l'aube, je me tourne vers toi et j'espère. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant ne peut séjourner près de toi. Les insensés ne tiennent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde l'homme de sang et de froid. Mais moi, par la grandeur de ta bonté, prosterne vers ton Saint-Temple dans la crainte qui t'est due. Conduis-moi dans ta justice, aplanis ton chemin sous mes pas. Car la joie est pour ceux qui se réveillent.